Maintenant, t'es le premier okay. de la journée de tout. Trop bien. Je me mets là. Si là ça te va, ouais, tu fais ce que tu veux. Ça va, Lucas? Oui, toi? Super. Ouais, ça va. Je suis aussi content d'être là. Ok. Je me demandais, est-ce que c'est dans ta pratique ça, de ce qu'on fait là, ou c'est un peu une commission de César Cassis? J'adore César, il aurait pu me commissionner plein de trucs et j'aurais dit oui, mais c'était dans ma pratique il y a quelques années. Ok. En troisième année, je crois, en quatrième, et après j'ai grave laissé tomber. Ok. Et du coup, je me suis dit que c'était bien de se chauffer pour le théâtre, des expositions. Ok, et du coup, ça fait. En fait, je t'interview, mais peut-être c'est. Non, mais je sais pas. J'ai plein de. Enfin, je suis curieux. Ouais, du coup, là, c'est la reprise, c'est ça? D'un truc que tu faisais avant? Plus? Peut-être on enlève les masques, tu vois. Moi, ça me dérange pas non plus. Ouais. Ouais, je le faisais avant, j'aimais beaucoup ça. Et après, j'ai vraiment fait beaucoup moins ce truc. Et je sais que c'est en fait. Toutes mes questions trouvent des réponses en fait dans cette pratique de l'interview. Okay. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté pendant si longtemps. Donc là, je reprends, mais avec de nouvelles pensées. Il y a eu. Ouais, il y a eu. Un petit virus. Non, mais même avant, t'avais. Ouais, je sais pas trop pourquoi. Mais du coup, ça me remplit un peu de stress de reprendre ce truc auquel j'ai beaucoup pensé, mais que j'ai plus du tout pratiqué. Ouais. Mais, okay. Mais c'est un stress chouette. Donc ça va. Bon, grave. En tout cas, ça va. Et je me disais aussi, en fait, c'est super court. Ouais, c'est vraiment court, je pense c'est 15 minutes, c'est ça? Ouais, c'est 15 minutes okay. max, je pense. Dizaine de minutes peut être très bien. Parce que, ouais, je sais pas, je me disais, vu que c'est rapide, tu vois, là j'ai l'impression que tous les trucs que je dois dire sont méga, tu vois. Parce que t'as l'impression d'avoir des trucs à dire? Non, mais tu vois, je me dis dans une heure, tu vois, t'as plus le temps de divaguer, tu vois, de trouver des trucs, je sais pas. Mais par exemple, sur quoi t'aimerais te divaguer? Je sais pas, c'est à toi de choisir, peut-être, je sais pas. C'est, en fait, si toi t'as envie, en fait, toi tu voudrais qu'on divague comme ça, ou, genre sans thème, ou t'as un thème que t'aimerais qu'on trouve à la fin sans faire exprès, tu vois? Ou t'as un thème précis et en fait tout est précis. Non, j'ai pas de thème c'est précis. C'est moi qui t'interview. Non, mais je suis très content de ça. J'ai pas de thème précis et moi je voyais même le fait qu'on discute comme ça maintenant comme étant aussi le début de notre discussion. Qu'il n'y a pas forcément de top, qu'il n'y a pas forcément de clap de fin. Ouais. Et aussi, tu fais que avec. Parce que nous on se connaît pas, on s'est jamais parlé à part à travers un écran. Mm-hmm. Ça c'est marrant aussi. Pour les séminaires de Clash. Ouais, on s'est jamais vu. Ouais. Mais on se serait vu demain. Du coup c'est vraiment. Ah oui, ouf. Ouais, tout juste. En même temps, bon, j'y ai pas pensé, mais c'est mieux quand même. Je sais pas, c'est plus marrant. Et oui, sinon il y a des gens que tu connais aussi, que tu interviews. Ouais, il y a des gens que je connais, des gens que je connais pas du tout, ou un milieu comme toi où on se croise de vue. Mais on s'est rarement ou jamais parlé. Ouais. Après, j'ai retrouvé, je crois, en remontant de notre conversation Messenger, du coup, de nos premiers messages qui. Ok. Ah oui. Qui te demandait si tu venais chez Burki. Et j'avais totalement oublié que tu avais passé cet entretien. Et que peut-être, du coup, on se serait beaucoup plus parlé. Non, mais le truc, c'est que j'étais chez Burki pendant toute la première année. Enfin, de mon année ici, donc moi j'ai passé la troisième année, enfin je suis arrivé en troisième année ici, du coup j'étais chez Burki toute l'année. Mais juste, j'allais jamais à l'atelier, je suis jamais allé à part pour la rencontrer elle, parce que je voulais avoir quelqu'un qui me fasse passer mon diplôme et avancer quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'on s'était parlé à ce moment-là. Ouais, bon voilà. Mais du coup, je suis parti après. T'es parti pour aller où? Alors, je suis parti. En fait, j'étais en deuxième atelier chez Cogitor, donc je suis resté chez lui. Après, j'ai passé plein d'entretiens, mais là, je suis chez Paris, du coup. Donc, en vrai, je suis parti pour aller chez Paris et aussi j'étais chez Dalpra aussi. Mais là, je suis plus que chez Paris. Hein. Mm-hmm. Je me suis recentré. Je recentrais mes chakras, je sais pas. Il ressemble à quoi en ce moment tes chakras? Mes chakras. Bah, je sais pas exactement ce que c'est des chakras, du coup c'est dur de... À part dans Naruto, hein. Je sais pas si t'as regardé Naruto, mais... Non, ils sont comment les chakras dans Naruto? Bah, dans Naruto, tu vois, c'est les techniques qu'ils font, la magie qu'ils ont. C'est un espèce de flux, je crois que c'est un espèce de truc pseudo-shintoïste, je crois. Je sais pas d'où c'est inspiré, mais en gros c'est un flux qui est sur les veines, tu vois, et t'as des espèces de points d'énergie qui sortent des mains pour invoquer du feu, des trucs comme ça, tu vois. Bon, là, ça me fait... C'était un peu la blague, mais du coup, je l'explique, c'est un peu marrant. Mais du coup, si toi, tes chakras aujourd'hui vont très bien, qu'est-ce que tu pourrais invoquer? Qu'est-ce qui pourrait sortir de tes veines? Oh, waouh! Je sais pas, ça, c'est une vraie question que je me suis beaucoup posée. Enfin, sauf si tu... En fait, si tu restes dans l'univers Naruto, tu vois, il y a en fait, là, une grande question, c'est choisir entre les 4 et les... Bon, je sais plus combien il y en a, mais... Enfin, normalement, il y en a 4, mais dans Naruto, peut-être qu'il y en a plus. J'aurais jamais pensé qu'on parlait de Naruto, c'est trop marrant. Tu sais, c'est un peu un truc genre test de personnalité, tu vois. Genre, est-ce que t'es feu? Est-ce que t'es terre? Est-ce que t'es arbre? Tu vois. Et le quatrième? Tu me dis que c'est de l'eau? Il y a eau et il y a air aussi. Ok. Il y a électricité. Bon, en fait, ils font un peu n'importe quoi, quoi. Tu vois, t'as un peu tout. Et franchement, je sais pas ce que je serais. Mais feu et eau, j'aime bien. C'est un délire de... Donc t'aimes autant le feu que l'eau. Ouais, tu vois, il y a un truc de pas miscible, je trouve ça cool. Mm-hmm. C'est intéressant. Et vu que... Alors, je suis pas sûr, mais bon, je suis lion, du coup. En termes... Tu vois, mm-hmm. C'est un... dans les trucs de personnalité, le chakra, le signe astrologique, c'est un peu pareil. C'est comme la maison d'Harry Potter, tu vois. Et, tu as fait le test pour Harry Potter? Ouais, bien sûr. Du coup, t'es quelle maison? Tu penses que je suis quoi? En 5 minutes de conversation, là. Ça peut être marrant. Bah, moi, je pense que t'es Serpentard. Oui. Mmh. Ok, bon. Parce que j'ai reconnu un compagnon de maison. Ah ouais, toi, t'es Serpentard? Ouais, aussi. Mais enchanté. Enchanté. Mais j'ai aussi vu des mèmes de mecs, tu vois, qui ont 15 ans, de zoomers, quoi. Mmh. De la génération Z, qui se moquent de notre génération. Qui font que parler de Harry Potter et qui se définissent par rapport à ça. Du coup, maintenant, j'essaye de mettre du recul. Parce qu'à un moment, j'étais vraiment en mode « Ouais, mais tu vois, lui, c'est trop un pouf-souffle et tout. » Et maintenant... Ce sont quoi les caractéristiques pour être trop un pouf-souffle? Ça va être méchant. C'est un peu méchant. Ouais, non, franchement, je pense pas. Je pense qu'il y a un truc de faire attention aux autres, d'être cool, et peut-être de pas avoir d'ambition, mais... Mais dans, du côté positif de ça, tu vois. Enfin, en fait, ce qu'il y a de négatif, mais en même temps de cool, dans le fait de ne pas en avoir, c'est un truc de vie tranquille, tu vois. Et de pas d'a priori. Ouais, c'est ce que je vous dis. Tu penses que c'est parce que tu n'es pas assez gentil envers les autres, pas assez cool, ou que tu as des trop grandes ambitions pour ne pas être un pouf-souffle? Ben... Je sais pas si c'est des ambitions, mais en tout cas, j'ai envie de... Enfin, je me mets grave de pression parce que j'ai envie de faire des trucs, tu vois. Mmh. C'est plus ça. Et du coup, dans ma tête, je me dirais, bah, souffle, tu vois, c'est mort parce que... Je sais pas, il y a un espèce d'en... Enfin, t'es obligé de... Enfin, t'es obligé de pas être ambitieux, je sais pas. Je sais pas si... Enfin, je suis ambitieux, mais en tout cas, j'ai envie de faire des trucs. Voilà. Du coup, je me dis, ouais, poussouf, je me dirais, c'est pas possible. Voilà. Et attends, qu'est-ce que je disais? Oui, le truc, je vais fermer toutes les parenthaises. le et truc. On a ouvert beaucoup. Ouais, c'est comme le podcast de Sophie Marie Laoui, tu vois ou pas? À bientôt te revoir. À bientôt te revoir, ouais. Ouais. Ça fait un peu ça. Bon, plus rapide. Je ne sais pas apporter de gâteau. Ah putain, mais tu peux me dire à la fin ce que serait ma friandise. Ah oui. D'après toi. Ça peut être marrant. Ça, c'est un podcast que tu écoutes. Ouais. Et que tu aimes bien. Ouais, ça va. Ça dépend un peu les gens qu'il y a aussi. Enfin, SML, je la trouve assez cool quand même. Enfin, elle est assez extraordinaire, mais les gens, des fois, il y a des gens vraiment, j'ai pas envie de les écouter, quoi. Et ceux que t'as bien envie d'écouter, tu te rappelles, c'était qui le podcast qui peut-être t'avait marqué? Alors, moi, j'ai commencé par celui d'Adrien Méniel. Moi, j'aime beaucoup, je trouve marrant, quoi. Après, des biens, il y a celui de Marina Rollman, que j'avais bien aimé. Et qu'est-ce qui te fait dire comme ça que celui de Marina Rollman était particulièrement bien? Ouais. Déjà, il y a un truc... En fait, tu vois, tu la vois, tu l'entends à la radio ou tu la vois, tu vois, mais en fait, elle est humoriste, quoi. Et elle a une part quand même assez. Enfin, intello, entre guillemets, je sais, c'est pas un bon mot, mais. Enfin, tu vois, elle est assez intéressante, au-delà de faire rire, tu vois. Et je trouve que le format podcast, il y a un peu. Enfin, tu vas plus dans être intéressant et ensuite t'as à faire rire, alors que quand tu fais une chronique, c'est l'inverse, quoi, tu vois. Et bah ça c'était cool quoi, enfin je me souviens plus exactement, mais c'était ouais je sais pas, je crois que c'était assez intéressant à entendre quoi ce qu'elle racontait. Je sais pas, là une espèce d'histoire ouf que son ex, je sais plus c'est elle, je sais pas, mais une histoire avec Nathalie Portman, tu l'as écouté toi, Non, non? du coup je veux bien Mais savoir cette anecdote. non, mais c'est un truc de fou, mais alors je crois pas que, je sais plus si c'est elle, mais je crois que c'est elle, mais en gros elle est sortie avec. Ah non, voilà, je sais. En fait, elle sortait avec un mec et ce mec l'a largué parce que en lui disant moi, ce qu'il me faut, c'est des meufs comme Nathalie Portman, tu vois. Donc, bon, voilà. Pas de commentaire. Mais, et en fait, le truc qui est arrivé, c'est que elle a été babysitter pour Nathalie Portman parce que, tu sais, elle sort avec un Français, ou elle est mariée même avec lui, peut-être. Et avec un Suisse, je sais plus, parce que Marina Rollman est Suisse. Donc, c'était peut-être en Suisse. Mais en gros, il y a un moment où elle s'est retrouvée dans le salon de Nathalie Portman. À, je sais pas, partager un verre avec elle ou je sais plus, ou tenir son enfant, je sais plus. Et du coup, elle a pensé à son ex qui l'avait largué. Enfin voilà, c'est un espèce de truc un peu, tu vois, de la vie, quoi, un espèce de, je sais pas, d'événement, tu vois, un peu fou, quoi. Est-ce que toi, il y a des moments où tu fais du babysitting et tu penses à un ou une ex? Non, non, non, pas du tout, j'ai jamais fait de babysitting. Ouais, non, ça m'est jamais arrivé. Du coup, il n'y a pas de moment où je pensais à. Et ouais. Attends, et ah oui, j'ai écouté celui d'Edouard Louis aussi, qu'elle a fait il y a pas longtemps, qui était super cool aussi. J'aimerais bien lire ses livres, j'ai toujours pas. C'est un peu un de mes projets, tu vois, je me dis. Les livres d'Edouard Louis. Ouais, c'est son nom, oui, je crois que c'est bien ça. Ouais, je sais. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as envie de les Ah, lire? j'ai envie. Qu'est-ce que tu espères y trouver? Ouais. Bah. Alors, y trouver, je sais pas. Non, mais j'ai vu des interviews de lui, il a l'air super cool. Ça, je sais pas, ça a l'air. Enfin, il a l'air super intelligent et de bien écrire. Je me suis dit, bon, faut, tu vois, j'ai envie de faire mon avis, quoi. Et ça m'intéresse aussi ce truc de. Lui, il est né dans la campagne, je crois. Hein. Alors, peut-être j'ai des conneries, mais apparemment, il a été élevé en campagne, etc. Et il est homosexuel. Et du coup, il y a tout un truc, tu vois, sur. La masculinité et la construction de sa masculinité dans la campagne. Enfin, moi, c'est un peu mon cas, tu vois, aussi. Alors, à un moindre niveau, parce que lui, j'ai l'impression que c'est vraiment un peu la campagne profonde, entre guillemets. Enfin, mes parents, ils étaient profs et tout, donc ils étaient quand même assez cultivés, tu vois. C'était un espèce de milieu bobo C'était campagnard, quoi quoi. ta campagne? Moi, je sais grandi en Dordogne, enfin, à la frontière de la Dordogne et la Gironde. Voilà. Et C'est une belle frontière. bon, elle n'est pas visible, il n'y a pas de. Non, oui, Oui, mais le cadre par ta fenêtre, c'est très ouais. chouette. Bah, c'est beaucoup de vignes. Ouais. C'est pas si fou. Enfin, en Gironde, il y a beaucoup de vignes. C'est du Bordeaux, du Bergerac, machin. Et côté Dordogne, il y a des belles forêts. Ça, c'est cool. Mais moi, de ma fenêtre, il y avait surtout des vignes avec des tracteurs et des pesticides, tu vois. C'était plus ça. Et du coup, oui, pour revenir à Edouard Louis, enfin après, il y a plein d'autres trucs qui ont l'air super intéressants dans ce qu'il raconte, mais ce truc de construction de soi, surtout en campagne où il y a vraiment. Enfin, je sais pas, en fait, t'as beaucoup moins d'exemples, tu vois. Surtout que lui, en plus, sa génération, je pense, enfin, il doit, je sais pas, il a peut-être 30 ans, 35 ans, je sais pas. Mais il avait moins Internet, mais quand t'as pas de modèle, tu vois, autour de toi, c'est super dur. Ouais, je sais pas, de se construire, tu vois. Après, moi, je suis pas homosexuel, enfin. Bref, c'est pas super intéressant, mais enfin, du coup, c'est un peu moins. Enfin, lui, c'était peut-être plus important. Mais il y avait quand même. Enfin, moi, je pense ce truc, tu vois. Ouais, du virilisme ambiant, tu vois, des rugbyman. En fait, il y a que ça, tu vois. Et des mecs qui se font bisuter, quoi. Du coup, t'es pas homosexuel et t'avais des pesticides par la fenêtre, ça s'est fait comment toi de ta construction à la campagne? Bah, Internet, c'est ce que je disais avant. Ouais, enfin, je pense. Hein, moi, après, je dis pas que ça m'a pas. éviter plein de trucs, tu vois, il y a plein de conneries que j'ai dites et que j'ai intériorisées, tu vois, bah, le sexisme ambiant, l'homophobie, tout ça, tu vois, le racisme, tout ça. Et, mais je pense que, enfin, j'espère que, tu vois, c'est, enfin, je pense, ouais, que mon contact à Internet, ça, tu vois, d'abord à la musique, mais après, tu vois, j'en sais rien, à Tumblr, au blog, machin, en fait, il y a une espèce, en fait, je voyais d'autres personnes qui existaient, tu vois, et que j'identifiais pas comme étant queer, mais en fait, c'est ça, entre autres, tu vois, bah, surtout dans la musique, tu vois, et qui m'ont, bah, peut-être je revisite, tu vois, j'en sais rien. Peut-être que c'est moi, je le mets sur... Maintenant, je le plaque, tu vois, cette lecture. Mais je pense qu'il y a un truc de... En tout cas, d'ouverture au monde et de construction par rapport à ça. Ouais, alors qu'autour de moi, c'était pas trop... C'est pas trop le cas, quoi. Même si c'était cool, enfin, tu vois, il y a quand même du noir, tu vois, mais c'était quand même bien. Ouais. Et aujourd'hui, autour de toi ? C'est-à-dire par rapport à ma construction, à ce que tu peux voir sur toi, voir des autres, par rapport à l'ouverture au monde, est-ce que aujourd'hui ça va? Bah ça va mieux, ça va mieux. Après là avec les, le Covid, c'est pas le meilleur non plus. Mm-hmm. Mais bah y a, après ce qui est bien, c'est qu'il y a tout à inventer, donc ça c'est plutôt cool, tu vois, même des trucs comme ça, c'est intéressant, je trouve. Pour inventer des rencontres. C'est cool, c'est ça, force les rencontres, je pense que c'est ça qui est un peu important. Ah, déjà, je suis content de te rencontrer. Ben, pareil, écoute, faut qu'on trouve ma friandise, faut oublier. C'est mon côté narcissique, faut absolument trouver. Qu'est-ce que tu disais ? Un gros côté narcissique ou... Ouais, je pense. Ouais. Ben, j'essaye de... que ça prenne pas trop de place, tu vois. Ça prend quoi comme place ? Avec les mains. En pourcentage. En pourcentage. Je sais pas, avec les mains, je pense que c'est un truc comme ça. En pourcentage, c'est 70%, 80%, je pense. Mais... T'as déjà eu des remarques ? Ou c'est toi qui t'auto-juge et... Bah, je pense que j'en ai eu, mais que... C'est oh, waouh. C'est ma séance de psy, c'est transformé très vite en psychanalyse. Très, très vite. J'ai absolument veillé. Putain, je sais plus ce que je disais. Bah, je pense que c'est un peu moi qui le dit. Mais on me l'a dit, ouais, quand même. Mais j'ai l'impression qu'on me le dit de moins en moins et que c'est de plus en plus moi qui me le dis. Je pense que c'est un bon signe. En plus, tu te le dis à voix haute. Oui, je le dis aux gens aussi. C'est l'enfer. Bon, bref, je mets pas les gens à l'aise. Mais ouais, bon, voilà. Du coup... Voilà, il faut qu'on s'arrête, c'est ça. Bah, en tout cas, je suis ravi d'un épisode narcissisme pendant ouais. 20 minutes, ce qui est très chouette. Oh wow. Mais en même temps, 20 minutes qui ont commencé par 5 minutes sur moi. Ah oui, c'est vrai. Donc, ouais. Voilà, c'est... Et je sais pas si t'as remarqué, mais j'étais de plus en plus stressé au fur et à mesure qu'on parlait moins de moi. Au début, ça allait parce qu'on parlait de toi. C'est ma technique de défense, tu vois. Bon, j'en sais rien. C'est mais j'ai trouvé que c'était une très bonne technique parce que moi, ça m'a stressé. Ah oui. Et du coup, j'ai trouvé ça super fair play. J'ai dit ok. Bon, je sais pas. Ok. Mais merci beaucoup, Lucas. Et ben de rien, c'était un plaisir. De toute façon, on se voit demain. On se voit demain, ouais. Et voilà, on va discuter de Werner Herzog. Très bien. Et on pourra refermer toutes les parenthèses qu'on n'aura pas du tout. Ouais, grave. Maintenant. Avec plaisir, je sais plus lesquelles, mais. Arrête-toi. Salut Juliette. Hello. Ça va? Toi? Ouais. Ça va, la chaise était confortable, ce petit temps d'attente autour de la table. Oui. J'ai attendu de voir ce que Lucas avait à dire avec impatience. T'arrivais à savoir de quoi est-ce qu'il était en train de parler? Il disait qu'il était composé à 70% de ça. Je sais pas, je sais qu'il répète souvent qu'il est fils unique. C'est pas loin. De mansplaining, quelque chose comme ça? Non. De narcissisme. Ok. Toi, tu te sens narcissiste? Narcissique? Ça dépend. C'est un ego très variable, je pense. Mm-hmm. Ça varie en fonction de quoi? Mes occupations, mes fréquentations, mes cycles menstruels, je pense. Mes rapports avec mes parents. T'es très narcissique lorsque t'as tes règles ou très narcissique lorsque tu les as pas? Plutôt quand je les ai pas. Mmh. Ça dépend, enfin, c'est relatif à ma confiance en moi et à ma capacité à socialiser, je pense. Et ta confiance en toi aussi, elle varie, balance. Beaucoup, ouais. Ouais. Là, en ce moment, ça va? Tout de suite, non, pas trop. Après, on est vraiment dans les derniers... On me dit qu'on parlait pas d'art, mais on est à fond sur la pièce avec Lucas. Du coup, ça me permet de me détourner de moi beaucoup. Du coup, c'est pas un sujet. Enfin, en fait, j'essaye de pas penser à ma conscience en moi la plupart du temps. Mmh. Et à faire les choses et à rester concentré. On peut switch de sujet. Ouais, ça met pas forcément ouais, à l'aise. Bien sûr. Du coup, vous faites cette pièce à deux. Ouais. Avec Lucas. C'était. C'est la question que j'ai pas du coup eu le temps de poser à Lucas. Je voulais savoir si c'était une chouette rencontre. Ouais, carrément. Ouais, hyper bien. Après, ça fait un an qu'elle dure, c'est assez marrant. Enfin, c'est très distendu. C'est une longue rencontre. Bah ouais, parce qu'à la base, on devait la plier pour mars dernier, la pièce. Et on s'entendait très bien, on parlait beaucoup de cul, c'était marrant en la faisant. Comment est-ce que ouais. C'est arrivé le fait de pouvoir parler de cul? Travailler à deux, tu sais, quand t'as une activité commune et que tu parles comme quand tu récoltes des fruits ou que tu fais un truc assez. Enfin, que ton cerveau est. T'as moins de filtres, je crois, quand tu travailles avec quelqu'un. Parce que toi, tu peux partir l'été récolter des fruits. Bah, je travaillais là-dedans. Enfin, j'ai fait pas mal de boulot d'été, mais ça faisait partie de ça. Et il y a vraiment ce truc autour des arbres de. T'es un peu tout seul, en même temps, t'es un peu avec les gens, t'es fatigué, tu fais une tâche répétitive, et du coup, tu dis juste ce qui te passe par la tête. Et j'ai rencontré des gens incroyables. Enfin, j'écoutais plus que je parlais, je crois, dans ces situations, mais il y avait des druides et des métalleux, et ça se mélangeait bien. C'est. Qu'est-ce que ça fait un druide? Un druide, alors celui-là en particulier, il s'appelait Andrew. Mm-hmm. C'était un Irlandais qui est venu cueillir des fruits dans le sud depuis 40 ans. Et on a beaucoup parlé de communautés et d'une en particulier qui est à Finehorn en Écosse, où ils font pousser des légumes énormes, genre des courgettes qui font vraiment, enfin ça se voit pas au micro, mais très grosses, mais quoi. On imagine, ouais. Et il m'a prêté un livre sur eux en m'expliquant que la femme, enfin c'était un couple, la femme parlait aux esprits et qui lui avait conseillé de laisser certaines zones du jardin en friche pour que les esprits soient contents et nourrissent les légumes. En fait, c'était juste les bases de la permaculture qu'elle a eu en vision mystique. Mais du coup, on parlait beaucoup de permaculture version mystique. C'était très bien. Il refusait de parler aux gens s'ils connaissaient pas leur signe du zodiaque. Et une fois qu'il les connaissait, il parlait tout le temps, mais en chuchotant. Du coup, il fallait tout le temps être très proche de lui pour parler. T'as une bonne audition? Ou ça va. Et ton signe du zodiaque? Gémeaux. Ça fait quoi? C'est quoi les principaux traits de caractère du Gémeaux? Beaucoup d'hésitation, je pense. Dans mon cas, c'est comme ça que je prends. En tout cas, pour Instagram, on a un peu les bad bitches du zodiaque, je crois. En tout cas, en amour, on est censé être les pires. Toi, t'as l'impression d'être la pire en amour? Non. Non. Un peu, mais comme tout le monde, je pense. Mais non. Comme, c'est comme tout le monde parce que on est tous un peu des bad bitches lorsqu'on oui, est juste dans le love. Je pense, ouais. Enfin, on travaille tous pour le faire ou pas le faire, hein, mais il y a un petit instinct de. enfin, après, moi je prends beaucoup l'amour avec un petit fond d'instinct guerrier que j'essaye de taire au maximum. Enfin, de taire, de désamorcer plus qu'autre chose. Et ça va, ça marche? Oui. Ah. Oui, oui, vraiment. C'est chouette comme hésitation pour ensuite répondre positivement. Je considérais ma situation. Parce que là, ok. Et c'est quoi les armes de guerrier que tu avais dans les mains qu'il faut désamorcer? Potentiellement de la manipulation, ça peut vite arriver sur le tapis, je pense, en amour, quand tu connais quelqu'un, que tu veux qu'il soit là, par exemple, et que tu sais ce qu'il faut dire pour qu'il craque et qu'il vienne, ou essayer de pas faire ça, prendre conscience d'être en train de le faire et ne pas le faire. Éviter de dire des choses qu'on pense pas sur le coup de l'énervement, et partir plutôt que d'être énervé. Je sais pas, là, comme ça, en disant beaucoup écouter, beaucoup être tout seul, et beaucoup se concentrer sur le fait qu'on aime. C'est compliqué d'être tout seul lorsqu'on vit à deux. Ouais. Mmh. ouais. Ouais, mais ça passe par des balades, des rencontres, garder l'indépendance, en fait, un max. T'arrives encore à faire des balades malgré confinement / Covid? Ouais. Bah ouais, enfin oui, même, enfin pour le sujet précis du couple, je me suis beaucoup éloignée de mon conjoint, justement, conjoint de Nicolas pendant cette truc vachement officiel d'avoir un micro, j'utilise trop des mots genre conjoint. Simon, t'aurais dit comment? Plutôt Nicolas. Nicolas. Ouais, il y a pas de petit nom en plus. Enfin, là, c'est un peu compliqué. Du coup, oui, j'ai vachement. Je l'ai un peu exclu de mes cercles sociaux justement pour pouvoir prendre ce temps sans lui. Pas forcément toute seule, mais sans lui. Lorsque tu cueilles des fruits, il y avait un druide et il y avait aussi un métalleux. Ouais. Ouais, ouais. C'était quoi son prénom? Je me rappelle plus, ça fait longtemps. Peut-être Michael ou quelque chose comme ça. J'ai oublié. Je me rappelle moins bien lui. Mmh. Mais il parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il écoutait beaucoup mon candro. Du coup, je l'ai moins retenu, bizarrement. Ok. Mais tu te rappelles que c'était un métalleux? Ouais, ouais, il voulait qu'on organise un festival de métal ensemble. Et c'est quelque chose qu'il voulait mais qui s'est pas fait? Non, bah c'est parce que je passais mon diplôme, mais en fait il voulait que je fasse la scénographie en carton. Je crois qu'il organise vraiment des trucs, il était hyper drôle. Enfin, c'était un mec un peu étrange, mais comment on dit, je pense qu'il était quoi, hypermnésique. Non, les gens qui se rappellent de tout, mm-hmm. Ils regardaient que des documentaires sur les nazis et la drogue ou des trucs comme ça, ou Jeanne d'Arc ou je sais plus trop, et il nous racontait ça en détail pendant des heures. Et du coup, pareil pour son festival de métal, il nous a raconté ça en détail pendant des heures, en essayant de nous convaincre de... de venir faire cette scène. Toi, tu préfères passer un dimanche après-midi à regarder des documentaires sur les nazis, sur la drogue ou sur Jeanne d'Arc? Ça dépend de quel dimanche, je pense aussi, mais potentiellement. Ah, j'aime bien Jeanne d'Arc. Hein. Mm. J'aimerais bien la reprendre au facho. Ah oui, ouais, ouais, ça me. Qu'est-ce qui te plaît chez Jeanne d'Arc? Bah, déjà, c'est une femme en armure, mm-hmm. Pour les bases. C'est une histoire assez trouble. Je pense que c'est une grosse histoire de com médiévale et j'aime beaucoup. Parce que Askip, en fait, c'était la fille du duc d'Orléans ou je sais pas quoi. Enfin, c'était une meuf à titre et il y a beaucoup de traces d'elle après qu'elle ait été brûlée. Du coup, elle ne serait pas morte. Et j'aime bien le côté un peu mystère historique et que ce soit. Enfin, oui. Quand j'étais enfant, j'admirais beaucoup cette meuf à cheval aussi. Enfin, je trouvais ça vraiment cool. Tu te rappelles de ta première rencontre avec Jeanne d'Arc? Ah oui, je crois que c'était une BD un peu bête, de F-Mur, genre ça s'appelait Jeanne du pied du mur. Ok. Et elle tombe amoureuse d'un extraterrestre qui vit dans une cathédrale vaisseau spatial. Et je crois que c'est les aliens qui lui disent de faire tout ce qu'elle fait, mais elle est plutôt alcoolique et un peu à la ramasse. Et je lisais cette BD, enfin j'ai vraiment lu beaucoup très jeune. C'est pas une BD pour enfants? Non. Non, même il y avait du sexe dedans et tout. Avec l'alien. C'était un peu bizarre, mais c'était vraiment marrant. Et du coup, je m'étais dit, mais attends, c'est qui Jeanne d'Arc? C'est quoi ce délire? C'est pas du tout ça qu'on nous dit à l'école. Voilà. Et tu sais où elle est, cette BD? Elle a brûlé. Ah. Ouais. Avec d'autres choses? Avec toutes les BD de mon père. Chez toi, maintenant, il y a des BD? Ouais. Donc c'est un truc qui reste la BD pour toi? Enfin, ouais. T'aimes bien, quoi. Oui, j'aime beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a une BD que tu lis en ce moment? Ouais, faudra que je viens de la finir. Mais ça s'appelle Richard Vallée de Michael Desforges. Je sais pas si tu vois. C'est du cartoon. Enfin, c'est un genre de cartoon contemporain, je sais pas trop. Je crois qu'il est québécois ou canadien. C'est un mec qui a bossé entre autres sur les personnages d'Adventure Time pour te dire le style graphique. Okay. Et ça parle d'une communauté slash secte. C'est un raton laveur, un chien et un écureuil qui sont dans un parc qui est tenu par un gourou et qui sont éjectés et qui découvrent la ville. Et qu'est-ce que ces trois animaux découvrent dans la ville? Ils cherchent, plus qu'ils découvrent, mais ils cherchent comment habiter, ou vivre, avec qui, ils découvrent le fait de ne plus avoir quelqu'un qui leur dicte quoi faire, et ils ont tous leur caractère, leur façon de réagir. Je crois que l'écureuil, il s'en fout et il veut devenir gentil. Le raton laveur, il est hyper méchant et il déteste tout le monde et il veut faire de la noise. Enfin, ils ont tous un peu... Toi, t'as l'impression de te rapprocher plus qu'elle des trois? Bon, un peu de tout, je pense que c'est ce genre de truc où c'est une personne, mais divisée en trois. Peut-être le chien. Le chien, il est plus il fait des trucs pratiques pour que tout le monde soit à peu près bien. Ah oui, c'est... Ok. Genre, pragmatiquement, genre, où est-ce qu'on va habiter? Ok, vous fâchez pas, toi, t'es comme ça. Enfin, espèce de rôle de... Qu'est-ce que toi, tu fais pour que les autres aillent bien? Ça dépend encore une fois quels autres, mais j'ai tendance à, quand quelqu'un va mal, ramener les choses sur un terrain très pragmatique et parler de faits et demander qu'est-ce qui va pas dans les faits et quelle geste tu vas faire pour améliorer la situation et éviter les terrains d'idées à fond. Peut-être en ça que je me suis... Trop bien. T'arrives, t'arrives à te le faire à toi-même? Ça commence, ouais. J'essaye. Pas tout le temps, mais globalement ça va. J'essaye. Qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué lorsque, lorsqu'il faut te appliquer à toi-même les trucs qui ont l'air d'être si beaux lorsque, lorsque c'est pour les autres? Parce que la méthodologie a l'air d'être vraiment top, quoi. Bah ouais, enfin, faut juste... Enfin, dans mon cas, c'est que c'est... Quand t'es submergé par une émotion, c'est hyper dur de se replonger dans ses souvenirs d'une manière détachée, enfin, de les regarder comme des faits et pas comme des interprétations. Et du coup, c'est là que ça bloque un peu. Mais avec, enfin, en fait, c'est des techniques de méditation, de concentration, j'ai l'impression limite qui peuvent permettre ça. Et alors que quand c'est quelqu'un d'autre, vu que tu ressens pas, c'est super facile de dire ok, vas-y, raconte. Parce que tu médites? Plus, ouais, un peu. Enfin, je médite, c'est j'essaie de penser à rien, donc oui, je médite, mais c'est pas un truc. Mais ça fonctionne par session. Tu peux. Enfin, c'est. Est-ce que c'est un peu au hasard dans le métro où tu dis là je pense à rien, ou est-ce que c'est un peu plus rituel et c'est chez toi ou dans une chambre ou dans un endroit plus intime? C'est n'importe où quand je me sens submergée par une émotion. Okay. C'est, j'essaye d'abord de me concentrer sur cette émotion parce que je me laisse submerger très facilement. Une fois que j'ai identifié, je me concentre dessus jusqu'à ce qu'elle s'atténue pour devenir un genre de calme. Et je sais pas, de la méditation à part entière, mais ça s'y apparente, je pense. Ok. Tu sais ce que tu vas faire juste après qu'on ait terminé cette discussion? Ouais, je vais continuer la sculpture avec Lucas. Jusqu'à 17h30. L'heure de quitter l'école. Ouais. Merci beaucoup, Juliette. Bah, merci à toi. Et puis, ouais, bon courage, ça doit être marrant de rencontrer tout le monde un par un. Bah, ça vient de commencer avec Lucas et ça s'est trop bien poursuivi avec toi. Bah, chouette. Donc ouais, je pense que ça va être marrant. Ouais, j'aime bien que tu me racontes à l'occasion de... hors micro. Bah ouais, mais j'imagine que toutes seront dispo en plus du coup. Mais oui, je te raconterai hors micro. Trop bien, bah si tu veux passer pour la pièce aussi. Vous êtes en métal? On est chez Paris. Ah bah ouais, je passe. Trop bien, à tout de suite. Trop cool. Et bien,